Agrippine. De Claire Bretécher, adapté par Christelle Lambser. Cinquième épisode. Ça pue sévère. Encore une merdoule. La sœur est là? Bonjour. Il n'y a personne. Et je ne sais pas quand ils reviennent. Pas grave. Je vais entrer, je les attendrai. J'ai reçu la convocation de l'hôtel pour la succession de la vôtre pauvre maman, qui y est vos femmes et condescendantes. Oui, c'est ça. Bonjour chez vous. D'ailleurs, en tant que fils, vous devriez aussi d'être chez le notaire. Parfois, j'oublie de vous demander votre avis sur ce que je fais de ma vie. Vous avez remarqué, candidat? Viens, je vais attendre. Il n'y aurait pas quelques canettes de Désipi dans ce clapier? Non, les substances toxiques sont mal bout dans l'Amazon. Ça m'étonne pas. Cela dit, candidat, j'ai pas besoin qu'on me tienne la chandelle. Vous pouvez dégager. Vous inquiétez pas, je volerai rien. Excellent. Vous avez pris des cours de soir d'humour en Corée du Nord, eh? Dites donc, vous n'avez pas quelque chose à faire à la cuisine? J'ai fini. Et le repassage? Il vous en reste pas du repassage? Je connais mon travail. Vous pourriez peut-être en profiter pour vous occuper de l'escalier de l'immeuble. Je vous garantis que ce ne serait pas du luxe. La rampe est enduite d'une crasse centenaire. Justement, c'est une crasse clashée. Personne n'a le droit d'y toucher. Déjà 4 heures, bordel. Gamba dyslexica, il a failli oublier d'aller chercher le petit biron à l'école. Vous voyez, je savais bien que vous aviez autre chose à faire que de taper la discute. Moi, c'est moi. Attends, j'ai cru que je me débarrasserais jamais de ce cajou. Mais c'est bon, là, elle se tire, vous allez voir sortir. Vous êtes prêts, les merlus? Prenez votre temps, surtout, candidat. Hein. Allez donc prendre un café dans votre rade préféré, celui qui est si bien fréquenté, le sud-saharien. Occupez-vous de vos fâches. Mon adorable neveu pourra s'y faire des relations précieuses pour son avenir. Et vous, je suis sûr que vous pourriez y dénicher un fiancé. Mes fiancés sont tous issus de la diversité. Et si ça vous plaît pas, je vous en coule que vous pleurerez votre mère. Mais qu'est-ce qu'ils disent, mon père? Pardon, madre mia. Putain, le personnel devient d'une familiarité. Bon, pas de temps à perdre. Alors, ça, c'est les mini-caméras chouf. Et ça, c'est les micros coin-coin. Je vais commencer par enfourguer là-haut, dans la bibliothèque. Sur le dernier rayonnage entre les œuvres complètes d'Aragon et de Bataille. Ça va être parfait. Il faudrait que j'en place une aussi. Oh, sur quoi je pourrais grimper? Ouais, si j'en avais une sur le haut de la porte, là, ça serait pas mal. Comme ça, mine de rien, je bouge la porte. Et selon ce qui se passe, je vais aller un maximum de l'action. Putain, hein! C'est galère à fixer avec leur crochet de merde! Je fasse gaffe au reflet de l'écran télé. Je crois que je devrais le retourner contre le mur. Et puis il y a le miroir là au-dessus de la cheminée. Putain, c'est d'un bourge. C'est bien ma frangine, ça. Je vais pousser le cactus devant. Ça sera toujours ça de gagner. Aïe! Oh putain de pique de cactus de merde! Allô? Allô? Ouais. Ouais, ça avance. Ah, oh, viens pas me rappeler les noix, ça se fait pas sur une jambe, je te signale. Là, j'ai planqué les mini-caméras chouf que quinquer quatre œils pourrait même pas les soupçonner. Idem pour les micros coin-coin. Ah, tu crois peut-être que c'est facile? Aïe! Putain de saloperie de frangine, mais qu'est-ce qu'elle a besoin de se foutre un cactus géant dans son salon? Faut qu'on m'explique. Ouais, ouais. Ouvrez l'œil, hein. Vous filmez tout ce qui entre, tout ce qui sort, ça peut servir pour les plans de coupe. Ouais. Tchou. Absolument que je planque une caméra dans le lustre, là, juste au-dessus de la table. Oh, si la frangine me voyait en train de grimper sur ses meubles avec mes godillots. Ah, la jaunisse. Tiens, t'es là, oncle Jean-Mi? Qu'est-ce que tu fais, oncle Jean-Mi? Ben, ça se voit pas! Ben, non. J'ai laissé tomber mon cigare. T'as laissé tomber ton cigare en l'air. Bah ouais. T'es toujours aussi pinailleuse, toi, hein. Si tu cherches ta bière oui-oui machin chose, il n'y en a pas. Mamie l'a fini. Mamie. C'est quoi, mamie? Ah oui. Oh, c'est vrai. Oh, c'est triste. Bouleversant. Affreux. Injuste. Navrant. Désolant. Affligeant. Pauvre mamie. Quand je pense que d'aucune ont même été jusqu'à souhaiter sa disparition. Qu'est-ce que t'as dit là? Qui c'est à moi? Quoi? J'ai dit quelque chose. Vas-y, braque. Braque à mort, là. Stop, stop. Avance. Bah, attends, avance. Mais comment tu veux que j'avance? Comment tu veux que j'avance? Je le colle à donf, le mec, là-devant. Ah ouais, bah avance quand même, là. T'as 7 cm facile. Stop, stop. Putain, 7 cm. Vas-y, recule. Bah, hey, je peux pas reculer. Vas-y, je peux pas reculer. D'accord, il y a le trottoir qui coince. Putain, là, Jean-Mi fait chier. Il aurait pas pu nous baliser le truc, histoire là qu'on ait le bateau pour nous tout seuls. Ah ouais, franchement, c'est bien la peine de se taper un pot d'yaourt pourri là en car régie si on peut même pas se garer facile. Vas-y, ouais. monte. Je vais casser un mur. Ma parole, je vais casser un mur. Ouais, j'arrive. Il m'a saoulé. TV Motion, ça leur grouille sérieux sous L'Oréal, hein, pour nous filer un carré-j grand comme une coquille de moule. Et j'ai pas vraiment décodé le plan de Jean-Mi, mais déjà le pitch, il est blèche. Je vais te dire, si Jean-Mi avait une chance de podium, ça se saurait. Tu m'étonnes. C'est quoi ça? Vous n'avez pas le droit de chasser sous ces bateaux. Qu'est-ce qu'il y a nous brame, celle-là? Attends, c'est pas elle qui est sortie en courant tout à l'heure, là? Si, t'as raison. Attends. On est de la télé. Oh, c'est de la télévision. Alors, c'est l'immunité médiatique. L'action publique est éteinte. Dida, c'est chaud comment tu parles la France. Qu'est-ce qu'elle dit là même? J'ai rien capté. T'as capté un truc, toi? Non, que dalle, je comprends. Que dalle. C'est une inventé, quoi. C'est mon Dieu. Qu'est-ce qu'il fout, bordel? Qu'est-ce qu'il fout? Alors, qu'est-ce que t'as dit? Tu veux bien répéter ce que t'as dit? J'ai dit qu'est-ce qu'ils foutent. Non mais avant, qu'est-ce que t'as dit avant? Qu'est-ce que tu fais avec ce cactus? Pourquoi tu le laisses pas devant le miroir? Mais Agrippine, aïe! Ça fait mal! Arrête avec ce cactus! Qu'est-ce qui te prend? Alors comme ça, il y en a des qui ont souhaité la disparition de mamie. Mais arrête, bougre d'idiote! Aïe! Les cactus, ça fait mal! Aïe! Ça t'apprendra à miauler de perfidité à brûle-poupon en pleine face. Tu vas le regretter. File chercher une pince à épiler, tête de lotte. Compte là-dessus, tonton. Avec ou sans paquet cadeau? Yo, tonton Jean-Mi! Encore là, je suis là? Oui, encore là, je suis là. Et à propos, vous pouvez me dire où sont vos rondes tranches de géniteurs irresponsables? Aux champignons? Personnellement, je crois plutôt qu'ils sont aux cactus. Ils aiment bien les cactés. Ils vont peut-être rapporter des variétés intéressantes. Et toi? C'est quoi ces piquants que t'as partout sur le groin? C'est quoi, style? Et toi? Cette espèce de shiftir en voile noir que t'as sur la tronche? C'est quoi, style? C'est pas un shiftir, c'est un voile de deuil. Un voile de quoi? Un voile de deuil. C'est pour faire mon travail de deuil. Travail de deuil. Ouais, ça va, j'avais compris. Parce que tu savais peut-être pas, tonton Jean-Mi, mais mamie, elle a glissé. Pff, même pas de sang, nul. Et tu vas en classe avec ce truc coincé sous ta casquette? Il est complètement demeuré, je l'ai toujours dit. Bah, les poteaux, ça les feu feu. Ça leur fendit la face, laisse tomber. Putain, une espèce le fretin. Allô? Ah, écoute-moi bien, Jean-Mignon. Si tu m'ouvres pas le bit, Fissa, régie ou pas, nous on s'arrache parce qu'on en a plein de cul de moisir dans ton pot d'yaourt. T'as capté? Alors ça vient ce putain de match? Tu veux qu'on casse tout ou quoi? Vos gueules les mecs, putain calmez-vous! Vous voyez que chaud moi? T'as plus qu'à tenir 20-30 minutes! 20-30 minutes? Putain, pour des glandeurs de votre poids, c'est humain, non? Alerte! Alerte! Y a un couple qui rentre dans l'immeuble. Ils sont comment? La cinquantaine, bourge. La nana, elle te ressemble sauf qu'elle est pas chauve et en noir. C'est eux! À vos postes, déconnez pas! Donnez un rendez-vous de succession dûment confirmé, posé à la pince et inouï. Jamais vu ça de ma vie. Jamais vu ça de ma vie. Ah oui? Et t'as obséqué combien de mères? Oh bravo, c'est d'un goût. L'arrondir au naseau de porc qui a surgi de l'autre étage a dit que... On s'en fout de ce qu'a dit l'arrondir au naseau de porc. D'autant plus que les porcs n'ont pas de naseau. Ta mère se serait ruée sur son larousse animal, le moellon en alerte, pour régler cette angoissante question. Maman, arrête, je suis pas d'humeur. Oh, c'est pour la catharsis, ma chérie. Je dis pas que ce putain d'ascenseur est encore en panne. Oh. Je le regrette de te confirmer que ce putain d'ascenseur est en panne et que nous allons devoir monter à pied. Il y a des jours. D'ailleurs, je voulais te dire, le moellon, ça n'existe pas, hein. Ah, je t'assure. J'ai un pote neurologue qui m'a expliqué la structure du cerveau. Eh bien, niette moellon, pure invention. Ou alors, faute de frappe. Ta mère s'est fait tomber sur le crâne son poêlon à patates en le rangeant sur la hotte et ça l'a relaxé raide. Merlon, je sais que c'est par connerie et non par méchanceté, mais dis-moi honnêtement, toi, ça t'aurait amusé une rafale de blagues idiotes à la mort de ta mère? Ben non, ma poule, j'étais pas née. Ta gueule! Tu sais, moi je dis ça, c'est juste pour te changer les idées. Ah, ben bravo, ça marche parfaitement bien. La preuve, je divorce plus. Quoi? Comment ça, tu divorces plus? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu voulais que je change d'idée? Ben voilà, je change d'idée. Mais ma poule, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. D'ailleurs, je suis parfaitement d'accord avec toi, ce notaire est une tête de con et les porcs n'ont certainement pas de naseau. Jamais, ça ne marche. Jamais, jamais. Tu as raison, je suis d'accord à mort. Non, je suis d'accord à mort. Salut, Frangine. Oh. J'ai pensé qu'on devrait se réunir en famille pour penser un peu à notre maman. Jean-Mi, j'ai pensé la même chose, mais j'ai dû d'abord aller chez le notaire. Et figure-toi que ce résidu de fac de droit... Ah, elle a raison, carré. Je vais me repoudrer. Où est Agrippina? Il faut qu'elle soit là. Ah, bien sûr. Je l'appelle sur son portable. Et Biron? Où est Biron, candidat? Il boit le porto qui est lui. Il est en train de voter. Ah, messagerie. Allô, Agrippine, es-tu à la maison, mon poussin amarante? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Agrippine, tu es là. On se réunit pour un hommage à mamie et... sans vouloir te heurter, mon poussin Magnolia, je ne crois pas que ta tenue soit adéquate. Bah, vous pouvez pas deviner, parce que là, j'ai fait un costume pour l'anniversaire de Matoise Poplar, avec thème. Et le thème, c'est la tenue que votre grand-mère aurait adoré porter. Alors, ma guépière verte, mes barésies et mon renard, désolé, je vais les garder sur moi. Par respect pour mamie. Vu que si elle n'était pas partie, ma tenue musicale, elle me l'aurait échouable. Bon, moi aussi, je me repoudrai. On démarre dans 5 minutes pile, les gars. À la nanoseconde près. Putain, j'ai le trac. C'est mauvais signe, hein. Le trac? Mais quel trac? Dis pas l'ineptie. 4 minutes 14. Je sens mal le truc, moi. J'espère que ça va pas foirer, hein. Ça peut pas foirer. C'est moi qui ai tout configuré, formaté, bordel. 4 minutes 32. Dites voir, les gars, je trouve pas de poudre dans cette putain de crèmerie. Le talc, ça maquille pareil pour l'image? Droit gagne à froid, perso, je me maquille pas, moi. Cause, dire cause. Guignose, à toi de jouer. Dans exactement 4 minutes 13, tu appuies sur le bouton carré rouge à ta droite. Ouais, mais je peux pas, je suis daltonien, je confonds le rouge et le vert. Eh ben, essaie de voir rouge pour une fois, c'est pas compliqué, non? 3 minutes 15. Passe-moi, Niafrol. Putain, je trouve pas de passer, idée. Niafrol, dans 2 minutes 58, tu tires vers toi le bouton carré avec une étoile au milieu qui est sous le volant. Mais je veux pas, je suis dyslexique, je distingue pas les formes. Tonton Jean-Mi, on t'attend. Chut. Daltonien ou dyslexique? Je veux pas le savoir, faites pas les cons, il reste 2 minutes. C'est quoi ces gugus, putain? Il va m'entendre, le sieur œil de mythe. Ils vont faire connaissance avec Jean-Mi, les connards de TV Motion. Tu dis? Rien, je me recueille. Tout le monde est là? Pourquoi je peux pas mettre des barésies comme Agrippine? Oh, toi, la résine, tu l'as sur le visage. Ça suffit! Adieu. Vous êtes prêts? C'est pour l'image. Jean-Mi, tu raccroches? Nous sommes ici réunis pour évoquer notre mère et grand-mère que nous aimions tant. Peut-être a-t-elle été aspirée par un de ces trous noirs qui sont le domaine des dieux. Oh, très bon, excellent, les trous noirs, il faudra que je le note. Ma mère était une femme toute de compassion et de générosité, toujours prête à aider les autres. Vous êtes pas un peu fiévreux, là? Mamie avait des oursins pleins son vuitton, des fois qui nous prennent l'envie de lui voler son pèse. Et dès qu'on avait besoin d'elle, elle se transformait abrupto en gazelle. C'est un hommage, pas un réquisitoire, t'es hors sujet. J'arrive pas à trouver des qualités à mamie. Oh, Candida, c'est quoi ce coup de sonnette, là? Une livraison, c'est vraiment le moment, hein. Ça tombe à pic. Il vient maintenant couper, il y a les fautes des roses. Fais un effort, Agrippine. Mais oui, fais un effort, mon poussin Jasmin. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est cool. Je vais mourir. Je suis morte. Mamie, je comprends rien. T'as pas mouru? Oh, mes enfants. Ma poule, reviens à toi. Je l'ai tué. J'y crois pas. Elle avait emporté mes boots dans l'au-delà. Tourne-toi vers le lustre, maman, vers le lustre. Oh, mes enfants. Oh, quelle expérience. Viron, tu pourrais peut-être enlever ce ridicule voile de veuve. Oui, mais si elle remoure. Si vous saviez. Oh, m'approche pas, mamie. C'est pas sans les morts. Ça dégage du CO2. Alors, les gars, ça tourne. Vous avez l'image. Putain, qu'est-ce qu'ils foutent. Maman, rapproche-toi de la table. Du CO2, Biron, t'es rien qu'un petit crétin. Ce que tu sens là, c'est le soir de Méga 3, le nouveau parfum à 7000 euros les 10 millilitres. Ça pue sévère. Bon, ça suffit les frivolités. Je savais pas qu'on vendait des produits de luxe aux cadavres de l'école de chirurgie. Agrippine, va t'habiller normal, on en a marre de ta tenue à thème. Sympa la gueule, Pierre. Vous voyez ce que je vous disais? Sauf que c'est pas ta pointure, alors essaie pas de me la chourave. Oh, mon Dieu, belle maman, mais que s'est-il passé? J'arrive pas à le croire. Maman, qui nous avait quittés à jamais, a fait miraculeusement sa réapparition. Et ça a pas l'air de vous bouleverser outre mesure. Agrippine, ma chérie, apporte un petit peu de braise-malt, ta mamie, ça va la requinquer. Pourquoi un petit peu? Sandec, Agrippine, ta tenue, c'est de la balle. Justement, j'ai une soirée. Tu crois pas qu'en lâchant un peu les coutures... Mais vous voulez la requinquer de quoi? Elle est en pleine forme. Nous, Jean-Mi, avant d'être bouleversés, on voudrait comprendre. Bien sûr. Comprendre, toujours. Ressentir, jamais. Vous devriez être en larmes. T'as d'infirme émotionnel. Comment peux-tu supporter pareille froideur, maman? Je vais tout expliquer. Jean-Million, tais-toi. Rapproche ton fauteuil de la table, alors. Pourvu qu'elle se rappelle son texte. N'appelle pas Jean-Million, ça l'énerve. Ah bon? Et puis quand? C'est son nom, quoi. Bon, alors, voilà. Mon poêlon à patate... Ah, elle a dit poêlon, pas moellon. Mon poêlon me tombe sur la tête parce qu'il était posé en déséquilibre sur le bord de la hotte. Assommé sur le cou, je me rappelle rien. Tout ça à cause d'une bêtise ancillaire, naturellement. Soudain, il me semble être dans un tunnel noir, avec à l'extrémité un soleil éclatant dans une musique céleste, Jean Funk, et une voix que j'ai reconnue formellement pour celle de Looky Look m'appelle. Viens, oh, viens avec nous dans la lumière des sphères, allez grouille! Et à l'autre bout, crade et pollué, la voix dit No Good Glappy. Non, n'y va pas, il est trop tôt, reste avec nous, dans cette vétuste et fétide galère. Et puis, plus rien, le rien absolu. Et dis donc, y'a rien sur les écrans. Ouais, c'est pas normal ça. Doivent être en pleine sangloterie. Ouais. Qu'est-ce qu'il va dire, Jean-Mi? Moi, si j'étais moi, je m'arracherais Fissa. Moi aussi, si j'étais toi qui serais moi, je m'arracherais Fissa aussi. Bon, alors on s'arrache, c'est ça. Quand j'ai repris mes esprits, j'étais sur une table de dissection, entouré de deux étudiants subsahariens munis de cutter. Je leur ai expliqué que c'était une erreur informatique. Je me suis rhabillé et je suis rentré chez moi. Allez, on pleure là, putain de bordel. Allons-y, des larmes. Des larmes, des larmes. Dis-moi, maman, tu nous prendrais pas pour des concertifiés par hasard? C'est sur ce ton que tu parles à ta mère, en pleine revue post-mortem? Écoute, Jean-Mi, en gros, ça fait une longue semaine qu'on chiale, qu'on pigne, y en a qui voulaient nous mettre en soins palliatifs, et voilà mamie qui s'amène, la fiole enfarinée, et faudrait qu'on recommence à brère. Eh ben, peut-être, faut réfléchir. Faut réfléchir? Oui. À quoi? Au bobard de tunnel et de Looky Look, papoute, tu grésilles du moellon. Je me demande. Chez les huîtres, la conscience perdure après la cessation de l'activité cérébrale. Ah. Peut-on étendre cette observation à l'être humain? Certains témoignages de gens revenus à la vie pourraient le laisser supposer. Cependant... Mais c'est quoi ce truc? Attends, trop de la balle. C'est une mini-caméra chouf-chouf. Elle est tombée de la bibliothèque. Donne-moi ça. Ça marche mieux quand on met une batterie dedans. Hein. Qu'est-ce que tu baffes, crétin? Regardez, hello. Il y en a une autre là. Et celle-là, c'est pareil, hein. Ça marche mieux avec une batterie. C'est quoi ces gadgets? Putain, il est où le carrégie? Quelqu'un peut me dire pourquoi le lustre ne marche plus? À mon avis, il y a une mini caméra cachée dedans. Ouais, gagné, je la vois. C'est quoi ce truc? Où êtes-vous? Partout dans la maison. Regardez la régie. Où est la face de l'autre qui devait placer des batteries? Comment ça, elles sont sous le siège dans mon sac Prada? J'ai pas été secondé, c'est tout. C'est pas au chef de penser aux détails. Sacré foutu ringard d'intermittent, il salope tout ce qui tripote. Dis donc, Biron, c'est quoi ce truc sous le canapé? On dirait un genre de micro-coin-coin. Mmh. Attends. Oh, attends, c'est mal réglé. Ah, c'est quoi ce truc qui me déchire les oreilles? C'est toi, Biron, à quoi tu joues? Et en plus, c'est mal synchronisé, ça envoie du pâté, hein. Ma parole, c'est un conflit de canard. Ouais, t'as entendu, Mammouth, hein? T'as entendu? J'ai fait un jeu de mots, là, conflit, confit. T'as dégluti? C'était un concept matriciel rétro-novateur, paradigmatique, primal, néo-post-Obama. Faux décès, retour à la vie, larmes de joie, vape et syncope délicieuse, you-you d'euphorie. Bien filmé, avec un bon son, une série culte pour TV Motion. Plusieurs cellules familiales en compétition, la plus émouvante et larmoyante, gagner. Et gagner quoi? Gagner d'avoir gagné, quoi, je sais pas. Oh. Top. Mais quoi? Ça aurait pu être vous. Mais je te l'avais dit que c'était pas gagné, Jean Million. Ne m'appelle pas Jean Million. Appelle-le Jean Couillon, ça lui ira comme un gland. C'est répugnant, le plan que tu nous as fricoté. Chulez donc, là. T'as pas honte, t'as pas Elle honte. Tabasse son oncle bien-aimé alors qu'il est déjà frappé par le chômage. Et ce, sous les yeux de sa grand-mère qui est morte. Oh, putain, ça fait un sujet, ça, non? Bien fait pour toi, Jean Million. T'es d'accord avec moi, mamie? Bah oui. Hey, t'as enlevé ta guêpière, tu l'as acheté où? Je m'en fous, j'ai un ticket énorme avec la belle grande brune du compassionnel de la chaîne. Famille, je vous emmerde. Ah, si tu pouvais en profiter pour nous oublier dans tes projets imbéciles, on serait top contents! Oh quand même, n'en rajoute pas trop. C'est ton frère, c'est mon fils que j'ai nourri de mon lait, de mon sein. Bah c'est même pas vrai ce que tu racontes, parce que t'as toujours dit que t'avais jamais donné le sein à un bébé de moins de 25 ans. Oh, après toutes ces émotions, tu restes dîner, maman, je suppose? C'est gentil, ma cocotte, mais le plus beau des étudiants en chirurgie m'a invité ce soir au Moulin Rouge. Je n'ai que le temps de repasser chez moi, m'en maquiller un peu. Allez, ciao la compagnie, ciao. Un début de sciatique. Ah, moi, je peux plus supporter cette ambiance de psychopathe. Les fantômes, les tunnels et les coins-coins, ça pourrait finir par m'énerver un tantouillard à la longue. Dis donc, ton chaman miracle du chéri Gaillot qui habite Melun, il aurait pas un petit moment pour moi? Ah, j'ai une bien meilleure idée. Je vais libérer tes bioflux en un clin d'œil. Madame, m'accorderez-vous cette danse? Avec plaisir. Mon ex-mari a toujours été un excellent danseur. Ex-mari? Tu as bien dit ex-mari, mon ange? Tu acceptes le divorce? Oh, dis-moi, Trésor, qu'est-ce qui t'a convaincu? Je suis devenu plus beau que Nourieff? Bonjour, Zonzon. J'ai un truc chaud à t'annoncer. Ta fille n'est plus morte. Ah bon? Il faudrait qu'elle se décida. Silence, Pétunias. Tu me déconcentres. C'est quoi ces graffitis? C'est un nouveau concept, le graffitricot. Ton arrière-grand-mère a été choisie pour redécorer la salle des pas perdus du palais de justice. Et c'est vrai que ces graffitricots y mettront une touche de chaleur humaine. Dis andante, normalement ça s'arrose. Ça s'arrose. Goûtez. Champagne pour tout le monde. Champagne. Champagne et petit four. Va donner les fleurs, Biron. Nous venons fêter non seulement l'artiste, mais aussi notre divorce. Il sera le jugement qui inaugurera cette salle nouvellement graffitée où la justice tricotera des destins équitables. Il y croit ou... Ouais, que veux-tu? C'est une âme pure. Il a apporté une pièce montée avec le couple qui s'y tourne le dos. Alors ça vient, ce champagne? Faites sauter les bouchons. Ah, c'est l'heure est grave. Ouais, ouais. Alors, c'était vraiment une belle aventure. Bon, bah voilà, cinquième et dernier épisode d'Agrippine de Claire Bretéché. Adapté par Christelle Wurmser. Bon bah, au revoir Annie Zeinburger, au revoir Carole Franck, merci tout le monde. Guillaume de Tonquédec. Ciao Igor. Medzinski. Et puis, rentre bien. Bah oui, rentre bien, soyez prudents sur la route. Très Rosine Favet, rentre bien. Puis Marie-Pierre Cazé aussi. Et Teresa aux vidéos. Et Bénédicte Thierouti. Olivier Clavry. Grégory Guidel. Ciao Jonathan Cohen. Au revoir Florent Houllier. Et salut Sophie Bissance. Ouais. Le bruitage. Ouais. Et puis merci beaucoup pour cette prise de son, pour ce montage et ce mixage à Eric Boisset et Émilie Couette, qui qui sont très sympathiques et puis qui s'entendent bien. En plus, c'était vraiment une équipe sympa en plus. Et bonjour à l'Alsace, grâce à notre Clémence, superbe assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Bien sûr. Et puis bon, bah voilà quoi. On peut, ah, ça. On peut quand même le féliciter sur ce coup-là, quand même, le réalisateur. Hein. Ouais. Merci. Cédric Ochir. Merci, Cédric Ochir. On ne t'oubliera pas. Ok, ça tourne. On y va. Silence, merci les filles. Agrippine l'intégrale est publiée aux éditions... Ah ben, tu sais quoi ? Aux éditions Retouchées. Voilà.